L'actualité à Nancy et ailleurs. Sixième édition de la zone de gratuité à la MJC Lorraine de Vendeuve. Ce sera le 20 avril et pour nous en parler, nous avons au téléphone Alison. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour nous expliquer c'est quoi une zone de gratuité et comment ça va se passer. Alors, c'est quoi une zone de gratuité? Alors, une zone de gratuité, donc comme vous l'avez dit, c'est la sixième édition cette année. C'est une zone en fait où les gens viennent déposer des objets. C'est une zone libre dans une salle de la MJC où les gens viennent déposer des objets et peuvent repartir avec d'autres objets qui sont déposés, mais il n'y a aucune obligation de déposer pour prendre. En fait, tout est gratuit, mais ça marche vraiment comme ça. C'est pas un troc, c'est pas une brocante, c'est pas un vide-grenier, c'est vraiment une zone de gratuité. On peut venir sans avoir déposé d'objets. Donc nous, ce qu'on va prendre principalement, c'est de la décoration, des livres, des affaires de sport, des instruments, voilà, qui traînent. En fait, c'est vraiment des objets qui traînent chez les gens et qui, au lieu de les garder, de les stocker au grenier, qui prennent la poussière, et ben voilà, on les donne. Et puis on vient faire un petit tour, jeter un petit coup d'œil. Et puis si on a besoin de quelque chose, et ben on se sert. Donc on a beaucoup aussi d'électroménager. Les seules conditions, c'est que les objets soient propres, transportables à la main. Et en état de marche, nous on fait un tri à l'entrée de tous ces objets. C'est pas ouvert aux brocanteurs ni aux professionnels, mais après c'est toute la journée. Donc les gens peuvent déposer les objets la veille, donc le 19 avril à la MJC directement, donc de 10h à 16h30. Et le jour même, on a toute la journée, donc de 10h à 15h30. Et sinon la zone de gratuité, ça se passe le samedi 20 avril, donc de 10h à 16h30. Plein d'informations, effectivement, cette zone de gratuité. Donc là, c'est la sixième édition. Comment ça s'est passé, les éditions précédentes? Est-ce que les gens jouent le jeu? Alors, tout à fait. On a eu forcément des petites rectifications à faire, comme tout nouvel événement, on va dire. Donc, ça a commencé en 2021, où c'est donc quelqu'un qui était membre du CA chez nous, donc Sylviane Copelli, qui nous a lancé l'idée pour les portes ouvertes de la MJC de faire une zone de gratuité. Et en fait, ça s'est super bien passé. Les gens jouent le jeu. Alors, à l'époque, on avait pris des vêtements et tout ça. Ça, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on ne prend plus de vêtements, ni de linge de maison, ni de chaussures. Voilà. Pourquoi? En fait, c'est des choses qui, souvent, on a eu des choses vraiment, vraiment pas en bon état, ou trouées, ou sales, et ça, on n'a pas le temps de le voir. Et c'est vrai que les gens, bon, voilà, ils sont pas là pour ramasser non plus des choses. Parce qu'en fait, tout ce qui nous reste à la fin, nous, on retrie et tout part soit au Resto du Cœur, soit dans une association qui s'appelle le Bazar de Lisette à Essey-les-Nancy. Franchement, c'est une super association. Et donc, soit ça part dans l'un ou dans l'autre. Et c'est vrai que ouais, tout ce qui est linge de maison, etc., souvent, c'est pas en super état. Donc, on n'a pas le temps de trier ces choses-là. Donc, c'est pour ça. Mais en l'occurrence, chaque année, on a vraiment des super dons. Donc, on en fait deux par an. On en fait une en mois d'avril et une au mois de novembre. Celle du mois de novembre, c'est un peu notre gros coup de cœur puisque c'est une zone spéciale enfant et c'est pour les jouets pour Noël. Et là, quand on a des familles qui viennent et qui peuvent pas, acquérir des jouets, etc., qui viennent compléter en tout cas leurs, qui peuvent le peu acheter ou, enfin, franchement, c'est vraiment quelque chose de solidaire et, enfin, nous, on adore ça vraiment parce que c'est un bel événement. Vraiment. Voilà, la sixième édition donc de cette zone de gratuité, c'est le 20 avril de 10h à 16h30. On peut déposer ses objets la veille. Alors, on peut juste redire, hein, c'est quoi qu'on peut déposer, ce qu'il ne faut surtout pas amener? Alors, du coup, on peut tout ce qui est décoration de maison, etc., des livres, tout ce qui est articles de sport, et petit électroménager, de la vaisselle, autour de la cuisine, enfin voilà, ça faut vraiment pas hésiter. Tout ce qui est aussi pour les étudiants. Alors, on a aussi des fois une toute petite anecdote sur une étudiante qui cherchait l'année dernière une petite radio. Et du coup, non, on sait jamais ce qu'on va avoir, en fait. C'est vraiment la grosse surprise. Et pour l'édition-là, on en avait eu 3. Donc, elle avait même le choix de sa petite radio. Donc, c'était vraiment chouette. Voilà. Et tout ce qu'on ne peut pas ramener, c'est tout ce qui est linge de maison, vêtements et chaussures. Pas de nourriture non plus? Pas de nourriture et pas de cosmétiques. Donc, voilà, un principe, une zone de gratuité. Il n'y a pas question d'échange d'argent. On peut y aller juste pour déposer, pour prendre. Dans une certaine limite quand même, on reste raisonnable. C'est ça. Oui, tout à fait. On bride à peu près à 5 objets par personne. Mais on a vraiment des gros objets des fois. Des aspirateurs, des choses vraiment assez gros. Donc là, faut être raisonné, on compte sur le bon sens des gens vraiment. Et si on veut retrouver un peu toutes ces infos-là à l'écrit, on va sur le site de la MJC ou sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Site de la MJC, www.mjclorraine.com. Et on a aussi donc les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. On a toutes les infos en direct. Voilà. Merci beaucoup, Alison. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.